Tous ravis de vous retrouver pour une nouvelle session radiophonique de l'Asile le plus sûr sur antenne du 94 MHz ou en streaming sur internet à partir de 21h30 le lundi ou en rediffusion le dimanche à partir de 23h et des brouettes. Émission également en podcast sur son blog asile35.blogspot.fr, également en écoute stream sur le mixcloud.com/redman, et dans les deux cas possibilité de trouver les playlists et donc de s'abreuver de musique de traverse tout le long de la semaine sur ces deux sites. On va attaquer avec une vieillerie, toujours dans le domaine des musiques paralléloïdes, et les Orthotonix et un disque de 1986 sous le titre Luminous Bipeds, qui était un trio qui avait démarré au début des années 80 à Richmond en Virginie, dans lequel officiait le batteur Pipin Barnett de Curlew. Les deux autres membres étaient relativement méconnus, notamment Danny Finney et Rebby Sharp, également sur instruments synthétiques et voix. Une musique plutôt dansante et complexe, avec des voix assez approximatives, comme on les aime dans l'asile. Alors à ce jour, le 33 tours de l'époque n'a pas été réédité à ma connaissance, à part en MP3 grâce à la radio WFMU du New Jersey, qui a posté les archives de ce groupe, les Orthotonix, sur le site Free Music Archive, et a noté que c'était produit à l'époque par Fred Frisk, un groupe qui avait produit une cassette et deux vinyles. On attaque avec une séquence, un tantinet rétro et aussi un peu kitschouille des Orthotonix, et le titre Yo-ho. We'll be right back. Séquence assez dansante pour démarrer l'asile le plus sûr de cette semaine. On a attaqué avec les Orthotonics et leurs Luminous Bipeds, qui était leur deuxième album qui était sorti en 1986. C'était publié à l'époque par le label suisse Rec Rec et ça n'a pas été réédité à ce jour. Donc un mélange saxophone, voix, clavier, plutôt dans le registre un peu post-Zappa. Et le batteur, surtout Pipin Barnett, qui était le plus connu des trois, qui a fait partie d'une formation dans le domaine du Rock in Opposition aux États-Unis, assez connu, qui répondait au nom de Curlew. Voilà, donc ça c'est disponible notamment sur Free Music Archive grâce aux bons soins des gens de la radio du New Jersey WFMU. Et c'était enchaîné avec une musique assez inhabituelle pour l'asile le plus sûr, mais elle m'a un petit peu tapé dans l'oreille. Il s'agit d'un EP d'un producteur de musique électronique d'origine chilienne mais qui vit à Londres, qui répond au nom de Flaco en un seul mot. FLAKO, là il s'agissait du EP Coucou qu'il a fait paraître sur le label de Londres Five Easy Pieces, qui est plutôt assez réussi, un mélange entre ses origines chiliennes, aussi un côté musique électronique allemande puisqu'il a grandi à Berlin, et c'est très contemporain donc, et ça prélude assez bien au disque qu'il va sortir ce mois-ci, qui devrait sortir donc sous le titre Nature Boy, son premier album long. Là il s'agissait de son deuxième EP. On va continuer avec une formation que je vous avais déjà proposée il y a de ça un mois, qui répond au nom de 75 Dollar Bill, et le disque Wooden Bag, qui est un duo de Brooklyn, ou plus exactement basé à Brooklyn, dans lequel on retrouve le fameux Rick Brown, aux percussions, qui est un musicien qui a participé à quantité de projets depuis les années 80, notamment Fish and Roses, Run-On, aux côtés de sa compagne Sue Gardner, également avec Charles Hayward au sein des batteries et de Guigou Chenevier, et également au sein de Pitch Cobbler avec notre camarade Dominique Grimaud. Et pour ce projet 75 Dollar Bill, il est en compagnie d'un guitariste originaire du Connecticut, monsieur Chechen, qui joue aussi du saxophone. Ça alterne entre musique de folklore, de trance extra-occidentale, notamment la musique traditionnelle mauritanienne, guitare blues et minimaliste répétitif à souhait, et des pièces nettement plus dans le domaine impro, sax, un peu free. Et on va écouter plutôt le domaine blues qui va nous transporter avec ce titre Cutting Out par 75 Dollar Bill. We'll be right back. À l'instant dans l'Asile Plus Sûr, on a démarré avec le blues qui arrache de 75 Dollar Bill, pardon, et cet excellent disque Wooden Bag sorti sur Other Music Recording Company, une étiquette new-yorkaise qui est aussi une boutique de disques dans l'East Village et un jeune label qui a déjà produit une demi-douzaine de trucs en 2 ans. Et je découvre ce label avec ce disque, donc Wooden Bag de 75 Dollar Bill, dans lequel on retrouve le batteur qui est surtout aux percussions assez minimales dans la tradition du blues du Sahara, Rick Brown, en compagnie de Chechen, qui lui est un guitariste qui a joué avec pas mal d'improvisateurs notoires ces dernières années, notamment Shiemukai ou encore Tetusi Aki. Alors c'est plutôt brut de décoffrage comme ça sur tout l'album, assez lo-fi, mais c'est une musique qui est assez prenante, cet excellent album de 75 Dollar Bill, qui était enchaîné avec une nouveauté du label industriel britannique Blackest Ever Black. Il s'agissait de Tarkar et le maxi Mince Glace, qui est une sorte de concept album ou de voyage un peu dans les domaines un peu psychédéliques et sombres par ces musiciens apparemment originaires d'Australie, de Melbourne. C'est un duo, ce groupe Tarkar, entre Tarkin Manek et Carla Dal Forno, donc un duo mixte, et ce sont des gens qui faisaient partie d'une formation précédemment, Finger ce petit Limited, qui était souvent comparé aux Young Marble Giants ou encore à Fall of Saigon, et leur mini-album Tarkar publié par Blackest Ever Black est plutôt réussi. On va continuer avec la musique d'une française que je découvre avec cet album Près du cœur sauvage, publié par Delphine Dora, qui n'est pas à son premier coup d'essai. Elle a déjà publié pas mal de choses avec des gens qui improvisent, notamment elle a fait partie de formations aux côtés de Bruno Duplante par exemple. Elle est principalement claviériste, piano préparé et différentes choses de cet ordre, et elle chante dans un registre assez proche des chanteuses folk psychédélique finlandaise contemporaine du type Islaya. Elle chante dans un sabir totalement imaginaire, et l'album est vraiment très très chouette. C'est publié, je crois que c'est par son propre label Wild Silence, en CDR. C'est écoutable intégralement sur son Bandcamp, comme la plupart de ses productions. On va écouter un des titres, il y en a pas mal en fait, qui sont vraiment très très bon sur cet album de Delphine Dora, Près du cœur sauvage. Je propose de découvrir sa musique avec le titre Le tumulte s'évanouissant. Take off. Thank you. Une séquence voix féminine dans l'asile le plus sûr et des plus singulières. Tout d'abord, Delphine Dora est près du cœur sauvage, un disque qui ferait presque penser que c'est chanté en finlandais, mais pas du tout. C'est un langage imaginaire. Ça fait presque aussi aimer les sports de glisse. Ce disque très très formidable de Delphine Dora, qui est une actuelle assez abondante en ce début d'année, puisque en parallèle sort une compilation autour de Satie et les jeunes pousses. C'est un volume 2 pour Arbouze Recordings sur lequel elle figure, et elle devrait aussi faire paraître un disque d'ici la fin de cette année de reprise des folk songs de Luciano Berio en compagnie de Héloïse Descases du duo Arlt. Ça devrait sortir non pas en fin d'année civile mais scolaire, un peu avant l'été, au printemps 2015, ce disque de reprise des folk songs de Luciano Berio. En tout cas, ce nouvel album Près du cœur sauvage, sorti par Wild Silence Label, est vraiment brillantissime. Comme je vous disais, cette fameuse Delphine Dora, il y a une petite parenté avec la musique que peut produire aussi Ashley Paul, et une connexion assez évidente avec les textes de Samuel Beckett qu'elle a chanté Delphine Dora, qui était enchaînée avec le cinquième album qui sort le mois prochain sur le label Thrill Jockey de Madame Colin Cécile Schott, qu'on n'avait pas entendu depuis 3-4 ans, et la sortie de son disque The Wailing of the Earth, et qui récidive donc avec un disque qui va sortir sur le label de Chicago sous le titre Captain of Known, sur lequel on devrait la retrouver avec sa viole de gambe customisée et ses épinettes, violoncelles et autres cordes détournées. Donc le nouvel album de Colin, dont on reparlera bien évidemment dans l'asile le plus sûr. Quant à Thrill Jockey, ils ont aussi une actualité assez abondante avec une demi-douzaine de disques à peu près qui sortent tous les deux mois, et on vous reparlera donc bien évidemment de leur production dans cette même émission. Voilà, on va continuer avec la musique du sound artiste basé en Belgique mais d'origine allemande, Coenrad Ecker, et le disque Sleepwalkers in a Cold Circus, sorti par le label de Richard Chartier Line. C'est sorti en CD, un excellent disque de musique électroacoustique par ce musicien belgeo-allemand. Non, il est belge et il vit à Berlin, pour être très précis. Il pratique les musiques électroniques et électroacoustiques et contemporaines, et ce depuis quelques années, notamment au sein de différents projets tels que Lumisoeka ou encore Stray Dogs. Je le découvre avec ce disque Sleepwalkers in Cold Circus, dont on va écouter le titre Cercalo. Alors l'album est plutôt assez bon dans son ensemble, mais ce titre particulièrement me plaît beaucoup. On écoute Coenrad Ecker. Thank you. Une séquence de sound artiste pour le moins crépitante avec de la nouvelle musique concrète. On a démarré tout d'abord avec le disque de Conrad Ecker sous le titre Sleepwalker in a Cold Circus. C'est sorti sur le label de Richard Chartier, Line Records, pour ce disque de ce belge sound artiste qui a aussi fait paraître d'ailleurs un disque chez Digitalis Industries, je crois que c'était l'année dernière, sur le label donc de drone et folk contemporain de monsieur Brad Rose pour ce disque de Conrad Ecker. Quant à celui-ci, Sleepwalkers in a Cold Circus, il est très bien produit au niveau du son par monsieur Rachad de Baker. Quant à celui qui lui succédait, il est masterisé par l'autre star du mastering électroacoustique actuel, en la personne de monsieur Giuseppe Yelasi, et il s'agissait du disque de Rie Nakajima, qui est une plasticienne sonore d'origine japonaise qui vit en Angleterre et qui se décrit comme une sculpteuse de son, et c'est le moins qu'on puisse dire au vu de ce qu'elle produit depuis quelques années, des performances à partir de petits objets sonores, de dispositifs de moteurs et de vibreurs qu'elle l'extrait de téléphone portable usagé qu'elle active sur des tables avec des micro-contacts, donc des tables avec des résonateurs et autres capteurs, une musique plutôt rythmique entre sculpture et percussion aléatoire. D'ailleurs, ce disque publié en vinyle sur le label britannique Consumer Waste sous le titre Four Forms contient des notes de pochette de David Toop, ce qui n'est pas très étonnant. Voilà pour les deux plasticiens sonores qu'on écoutait juste avant, et on va continuer avec une séquence de musique free contemporaine et le retour d'un vétéran de la guitare en France qui s'est exilé il y a de ça déjà une douzaine, quinzaine d'années en Autriche, si je ne m'abuse, ou en tout cas il était en Autriche, il a dû revenir à Paris d'après ce que je vois sur internet. Il s'agit de Noël Achoté, qu'on va écouter en compagnie d'un duo qu'on vous a déjà proposé dans l'Asile le plus sûr. Il s'agit de deux Polonais, les anciens Robotobibok, pour ceux que ça peut évoquer quelque chose. Il s'agit de Micro Collective, qu'on avait écouté avec un disque qui était sorti l'an dernier sur un label de musique contemporain, de jazz contemporain free. Micro Collective, qui est le duo entre Kuba Souchard aux percussions et batterie, et son collègue qui est à la trompette et au cornet, Arthur Majewski. Il s'agit d'une rencontre qui existe en numérique, voilà, sur le Bandcamp de Noël Achoté. Il n'y a pas eu de sortie officielle pour cette rencontre entre le guitariste parisien et Micro Collective. En tout cas, le disque est vraiment très réussi. Je vous propose d'écouter cet extrait de cet album sans titre, le morceau Largetto Biesa par Noël Achoté et Micro Collective. Thank you. Thank you. Le lyrisme exacerbé du jazz free dans l'asile le plus sûr, avec une séquence qui a démarré avec une rencontre entre le guitariste vétéran Noël Achoté, qu'on n'avait pas écouté depuis un petit moment, qui rencontrait les deux musiciens polonais de Micro Collective, dont on vous avait passé la musique à l'occasion de leur dernier disque qui était sorti chez Delmark. Ça sonne beaucoup comme un disque de Rob Mazurek et un de ses projets Chicago Duo ou Trio, cette rencontre entre Noël Achoté et Micro Collective, qui est une édition numérique produite par Noël Achoté, qui est plutôt très réussi et qui était enchaîné avec le saxophoniste Mike Osborne et un disque d'archives qui voit le jour sur le label Cuneiforme en CD sous le titre Down, qui est un disque qui rassemble plusieurs sessions de la fin 60 début des années 70, les 6 premiers titres dont celui qu'on entendait ont été enregistrés en 1970 dans son trio qu'il partageait aux côtés de ses amis sud-africains, en la personne du contrebassiste Harry Miller et du batteur Louis Moholo. Ils avaient fait un compagnonnage plutôt sur pas mal d'années, ces trois-là. On avait pu notamment les découvrir sur un excellent disque du label de Harry Miller, Ogun Records, qui s'intitulait All Night Long. Et quant aux autres pièces qui constituent ce CD d'archives sous le titre Down, il s'agit d'un quartet enregistré entre 66 et 70 où on retrouve les mêmes Harry Miller et Louis Moholo, ainsi que les deux soufflants John Sorman et donc Mike Osborne. Donc si vous vous intéressez aux rencontres entre le jazz free et l'improvisation européenne, ainsi que les musiques et ces musiciens d'origine sud-africaine qui ont beaucoup partagé de choses avec leurs confrères britanniques pendant ces années de la fin 60 jusqu'aux années 90. Ce disque est chaudement recommandé, Dawn, par Mike Osborne. Voilà, je voulais vous signaler une info concert avant de rendre l'antenne, avec une soirée à ne pas manquer ce mardi à Rennes. Ce sera au Bistrot de la Cité demain soir, mardi 3 mars, très exactement, avec le retour des deux frères César et Momo Amarante, à savoir les Radical Satan, qui nous font le plaisir d'une petite visite à Rennes. Donc pour un concert qu'ils partageront avec leur vieux compagnon de route Thomas Bonvalet, alias Le Selmar. Et apparemment il y aura également une amie qui les rejoindra sur scène. Alors je ne sais pas si cette amie c'est la chanteuse d'origine turque Kanan Domurkakli, qu'on vous proposait la semaine dernière dans l'Asile le plus sûr. En tout cas, ce concert est évidemment à ne pas manquer, donc à partir de 20h30, 21h au bar de la Cité pour cette soirée organisée par l'association Musique Alambique. L'entrée étant à 5€ et le support du trio rennais La Honte, donc ce 3 mars à Rennes. On va se quitter avec une dernière livraison du guitariste de Construct Umut Saclar, qu'on vous propose assez régulièrement dans les îles plus sûres. La semaine dernière, on écoutait deux disques qui étaient sortis sur le nouveau label d'Emanuele Pinotti, Sagittarius Astar, qui a sorti deux albums sous le titre Orchestra Omar et Carcana, dans lesquels on retrouve les musiciens du free turc Construct en compagnie de musiciens libanais et égyptiens, notamment les gens de Malayine. Et la troisième livraison de Emanuele Pinotti est un disque en solo de Umut Saclar lui-même, disque sur lequel on le retrouve comme toujours avec ses guitares, orgue, farfisa, flûte, zurna et autres percussions noyées dans le cosmos. Un disque qui est sorti uniquement en vinyle, deux pièces de 20 minutes sur lesquelles on peut l'entendre donc en soliste, également en compagnie d'une chanteuse qui chante des poèmes kurdes. Il s'agit de Kulseven Medar qui chante à ses côtés sur l'une des pièces de la face B. Et je vous rappelle que les Construct ont également sorti deux excellents opus sur le label italien Holidays Records cette fois-ci, l'un en compagnie de William Parker à la contrebasse. Il s'agit du Live at NHKM, et également un disque uniquement Construct sous le titre Live at Tarcento Jazz, qui sont vraiment brillantissimes. Je vous rappelle aussi que vous pouvez réécouter l'ensemble de cette playlist sur le site asile35.blogspot.com ou encore sur le mixcloud.com/renman. On se quitte donc avec cet excellent album solo ou quasi solo de Umut Saclar sous le titre Seeds of Eternity. Je vous souhaite une excellente nuit et une très belle semaine. À bientôt. Ha ha ha!